concours du F1 Import Lille et Paris. Salut bande de bouffe-lukesh, Cocteau, COCTO de la radio. Space Party tous les samedis, 1h-2h sur Énergie pour péter les plombs à la maison. Space Party, c'est plus émotif que les émissions de Jacques Pradel. Space Party, c'est plus dangereux que Fort Boyard. Avec dans la première session du non-stop, Beltram, Aquastep, Fiction, Sonic Solution, Aeon, Master Techno, Jam and Spoon, Psycho. Frequency. Thank you. Let's go! Keeping on with my words, so strong, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again.

De manège, venez mes enfants, avec dans la deuxième session du non-stop Aquastep, Hardcore, Seren PDP, Nux Nemo, Joe Bogart, Angela Ice, Wes Bam, Lost Track, The Grid, Hardcore, Astro Speeder, Mono Jack, Océanique, Le Cauchemar, continue mes amis, continue Le Cauchemar. Party sur Énergie. Stop on my knee! We'll be right back. énergie. Le cinquième Space Party s'achève. Il va falloir attendre une semaine avant de monter un chapiteau dans son jardin, avant de faire du manège enchanté, avant de se prendre pour Steve Austin. Cocteau, COCTO vous embrasse. D'ici la semaine prochaine, faites la fête, pas la tête. Dans un instant, c'est Bruno la sorcière pour Non-Stop Music sur énergie. Plus fort que les cochons dans l'espace, retrouvez la semaine prochaine les aventures du commandant Cocteau à travers la galaxie avec le concours de E.T. l'extraterrestre officiel de Space Party. Téléportation réussie, il est 2h du mat'.